Chez nous les regards sont dans le vide. Croiser le tien, tu sais j'évite. T'as vu mon visage, c'est écrit. Les mauvaises langues l'ont prédit. On a franchi toutes les limites. Je connais déjà toutes tes gimmicks. C'est plus mimi quand tu m'imites. Et dire que j'étais timide. J'ai ces souvenirs calentés. Tu pouvais ramener l'été. Le seul mot c'est caliente. Caliente t'as pas idée. J'ai ces souvenirs calentés. Tu pouvais ramener l'été. Le seul mot c'est caliente. Caliente t'as pas idée. À la Catalea, je vais la voir par surprise. Ils reconnaissent la fleur quand je signe le crime. À la fin qui va rester nous deux sur une île. Sans qu'ils nous disent comment monter le film. À la Catalea, je peux aussi disparaître. Je laisse sur du sucre ou sur une pointe de sel. Alors caliente quand on se prend la tête. Faut qu'on me dise comment j'ai calmer la bête. J'ai ces souvenirs caliente. Tu pouvais ramener l'été. Le seul mot c'est caliente. Caliente t'as pas idée. J'ai ces souvenirs caliente. Tu pouvais ramener l'été. Le seul mot c'est caliente. Caliente t'as pas idée. La musique ne me plaît pas. Les paroles sont plus sincères. La pièce se glace quand t'es là. Trop de rancune dans l'air. J'ai vu nos sourires noyés. Quand on a quitté le bateau. Les disputes sont calientes. Je voulais l'univers, toi le mundo. J'ai ces souvenirs calientes. Tu pouvais ramener l'été. Le seul mot c'est caliente. Caliente t'as pas idée. J'ai ces souvenirs calientes. Tu pouvais ramener l'été. Le seul mot c'est caliente. Caliente t'as pas idée. Caliente.